Radio Guémozo, faite par des gens comme vous et moi. Bonjour et bienvenue à tous dans la nouvelle émission mensuelle de l'association Les Mondes de l'Utopie sur Radio Guémozo. Émission intitulée Les Oreilles du Monde. Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir chaque mois la promotion de nos événements, des interviews d'artistes ou un tour du monde en musique. Cette émission est entièrement animée par les membres de l'association Les Mondes de l'Utopie basée à Rochesson au cœur des Hautes-Vosges. L'association Les Mondes de l'Utopie, qu'est-ce que c'est ? Notre objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des nouvelles sonorités venues de pays lointains, des spectacles nomades, des instruments peu connus et originaux, des saveurs venues d'ailleurs par le biais d'événements divers. Notre volonté est de proposer ces événements dans le respect de la nature et de l'humain, en favorisant la cohésion entre les générations, l'échange et le partage des cultures. Aujourd'hui, jeudi 14 juin, de 10h à 11h30, nous allons vous parler de notre prochain événement et un moment d'échange en direct avec les trois groupes qui animeront la fête de la musique à Rochesson et que vous aurez le plaisir d'entendre le 23 juin à partir de 18h pour la fête de la musique au centre du village de Rochesson. Rochesson, où se situe Rochesson ? Rochesson, c'est un petit village au cœur des Hautes-Vosges, à 10 minutes de La Bresse, 10 minutes de Gérardmer et 10 minutes de Vanier. Les Mondes de l'Utopie. Avec les Mondes de l'Utopie, on vous propose plusieurs événements tout au long de l'année. On a commencé cette année avec le concert d'hiver le 24 février, où on a eu le plaisir d'accueillir plusieurs groupes venus de Strasbourg qui proposaient de la musique du monde. Ensuite, nous avons eu le repas-concert le 21 avril avec Duo Blenny, un duo de Nancy. Le 23 juin, vous pourrez nous retrouver pour la fête de la musique à Rochesson. Et nous vous proposerons aussi une soirée spectacle le 20 octobre. Maintenant, nous allons vous parler de différents artistes qui seront présents le 23 juin. Nous allons commencer par écouter une introduction de Greg Voinis. Thank you. petite intro sonore pour vous présenter Greg Voinis, que nous avons en ligne. Greg, es-tu avec nous? Ouais, salut Flo. Salut Greg, comment vas-tu? Bah bien, ça va. Donc je souris en direct de l'émission Les Oreilles du Monde sur Radio Gemozo. Et nous sommes là pour présenter la fête de la musique qui aura lieu le 23 juin à Rochesson. Du coup, je vais te poser quelques questions. Ça va être sous forme de petite interview, un échange entre nous. Et donc, tout d'abord, merci à toi de venir de ton Périgord lointain pour venir jusqu'à nos montagnes vosgiennes. Et merci à vous. Merci à vous de m'inviter. C'est avec grand plaisir. C'est, carrément, j'ai hâte. Donc, tout d'abord, comment es-tu arrivé dans le monde de la musique ? Oula, comment je suis arrivé dans le monde de la musique? Faire simple et rapide. Mes parents, à l'âge de 9 ans, m'ont suggéré la guitare. D'accord. J'ai dit ouais, carrément. Et ils m'ont inscrit dans une maison pour tous, une plus connue aussi sous le nom de MJC. Et donc j'ai pris 2 années de cours. Ça a été assez rapide parce que comme à l'école, la théorie et puis rester assis et apprendre des choses, la théorie c'était pas pour moi. Donc rapidement j'ai décroché. Et puis et c'est comme ça que je suis arrivé dans la musique, dans le monde de la musique. Et puis après à l'adolescence, j'ai découvert les Noirs Désirs, les Brassens, les Renault, un peu plus tard Trio, puis Ben Harper, Mano Solo. Tous ces gens-là qui m'ont bien touché, bien nourri. Et si j'accélère un peu, c'est à l'âge de 20 ans, après le suicide de mon père, en fait, que quelques mois après, j'écris et composé ma première chanson. Voilà. Ok, super, intéressant. Et après la guitare, tu es un multi-instrumentiste. Du coup, après la guitare, quel autre instrument tu t'es mis à jouer? Après la guitare, rapidement, des percussions dans des soirées, dans des bœufs. S'il y avait une percu qui traînait, un djembé, un caron, c'était avec plaisir que je me collais dessus. J'avais le sens du rythme, ou sinon c'était les percussions corporelles. Et puis le mélodica aussi, le petit piano à bouche assez accessible. Et c'est il y a eu un gros déclic en 2007-2008 quand je suis arrivé à Nancy. Je me suis posé à Nancy, j'ai voulu remonter un groupe avec mes chansons. J'ai rencontré Thierry, un contrebassiste, qui rapidement m'a amené chez Cyril Lecoq. Et alors là, ça a été une rencontre, ça a été un coup de foudre mutuel. Je lui ai joué ma première chanson, je lui ai fait découvrir Je souffre. Donc la première chanson que j'ai écrite après le décès de mon père, et lui aussi a perdu son papa, et ça a été du coup, je me souviendrai toujours, on se souviendra toujours de notre rencontre, le premier morceau qu'on a joué ensemble, c'est ça. Et lui m'a accompagné au handpan, au hang. Il avait un hang. Un des premiers hang. Et c'est comme ça que j'ai découvert le hang qui fait partie donc de la famille des handpan. Mais par contre, il m'aura fallu du temps avant de m'y mettre. J'ai eu mon premier handpan en 2014-2015. Ok, intéressant. Et tu es indépendant dans ton édition de tes deux albums? Ah oui, c'est de l'autoprod complète, c'est préparé à la maison et ensuite c'est financé par moi-même, enregistré chez mon grand poteau Cyril. Donc Cyril Lecoq qui est un merveilleux percussionniste, mais aussi qui a une oreille incroyable pour le son, qui a un G-son. Et voilà, et sinon oui, donc je suis indépendant, ouais. Super. Voilà. Et tes inspirations, donc tu disais, c'est plutôt Trio. Ça a été à une époque, oui, Trio, le premier album. Hein, ce côté sautillant, ce côté joyeux, ce côté vacances. Et puis les messages aussi ce côté engagé de chez Trio. Moi, j'ai beaucoup accroché le premier album. Mais ce qui m'a beaucoup inspiré, moi, c'est ouais, ce que j'ai écouté vraiment beaucoup, c'est Noir Désir, c'est Mano Solo, Ben Harper. Moi, souvent, on me demande, parce que souvent, les gens sont surpris par ma voix, par quelque part la puissance de ma voix. On me demande où est-ce que j'ai appris à chanter, si j'ai pris des cours de chant. Et je réponds souvent que mes profs de chant ont été, sans le savoir, c'est des mecs comme Mano Solo, comme Ben Harper, que j'ai écouté, avec qui je chantais dans ma bagnole et avec qui je gueulais comme un putois seul dans ma bagnole. Et puis après, bah voilà, avec les choses que j'avais à dire, avec ce que j'ai traversé dans la vie, donc la mort de mon père et puis d'autres événements bien, bien forts. Et c'est comme ça que j'ai appris à chanter, quoi. Du coup, avec les autres, et puis aussi avec ce que je traversais, avec mes tripes, avec mon cœur, et voilà. Et puis dans la rue aussi, oui, la rue a été une école fantastique, quoi, parce que j'ai pas mal chanté dans la rue, à droite, à gauche, et puis bah dans la rue, quelque part, si tu veux te faire entendre, et bah il faut donner un peu de la voix. Ouais, c'est clair. Ok, voilà. Et tu viens à l'occasion d'une petite tournée dans l'Est de la France, est-ce que tu peux nous en parler un peu, puisque c'est une tournée plutôt engagée? Ouais, alors la première date, c'est pour la fête de la musique, c'est complet, c'est un concert privé dans un jardin, voilà, le 21 juin à côté de Nancy. Le 22, c'est pour la sortie terrible de la compile 3 de nos copines les Poulettes, qui font de la sensibilisation pour le don d'organes. Donc c'est la troisième compile et on va être 20 artistes sur la scène de l'autre canal à se relayer. Voilà, le lendemain, donc je déboule chez vous pour une belle fête de la musique. J'ai découvert vite fait les deux groupes qui me suivent. Ça a l'air vraiment, vraiment génial et je pense que ça va être un super esprit cette soirée. Je pense qu'on va bien flotter. Ça va être une soirée, je pense... Ouais, une grande soirée, pleine d'émotions, pleine d'humanité, pleine de tout ce que j'aime. Donc je suis vraiment, vraiment emballé de venir vous rencontrer et chanter avec vous. Super. Et puis le 24, faudra que je parte pas trop tard parce que j'ai rendez-vous pour un goûter concert dans un lieu vraiment sympa à Troyes, ça s'appelle les Oiseaux de Passage. D'accord. Voilà. Bon, oui, ben c'est vraiment super. On est content de t'accueillir dans les Vosges pour la fête de la musique le 23 juin. Ouais. En tout cas, je te remercie. On va écouter quelques morceaux de ton nouveau CD, Oser. Ok. Et un troisième CD est déjà en préparation. Ouais, c'est ça. Du coup, en avant-première, vous aurez droit à des nouvelles compos, à des inédits qui sont pas en écoute sur Internet, que je joue pour l'instant un petit peu dans la rue, mais c'est les premières dates, c'est les premières scènes où je vais dévoiler, du coup, un peu plusieurs chansons de mon troisième album en préparation. Excellent. Voilà. Et en plus, en préparation, accompagné logiquement de d'autres musiciens, dont un violoncelliste, un percussionniste. Donc ça présage de belles choses. Là, on est en train vraiment de s'amuser, de s'éclater. Ça va être. Et est-ce qu'il y aura d'autres collaborations avec le groupe Yakche qui est vosgien, dont Lily et Cyril que tu parlais tout à l'heure? Ouais, de toute façon, il y aura toujours, il y aura bien sûr qu'il y en aura quand, sur quoi, sur le troisième album, peut-être, sans doute. Est-ce que je vais aller enregistrer ce troisième album de nouveau chez Cyril? J'aimerais beaucoup. Après, j'ai du mal à me projeter trop trop loin dans le temps parce que je sais qu'il peut se passer plein de choses. On peut faire telle rencontre qui font que ce qu'on avait prévu, bah finalement. Mais oui, j'aimerais beaucoup, puisqu'il y a un duo avec Lily sur mon deuxième album. La surprise du troisième album, je peux vous dire qu'il y a une chanson qui s'appelle Lily, L-I-L-I-L-Y. Un hommage à trois Lily, à Lily du groupe Yatché, à Lily Norosi du groupe Mong, qui est un duo féminin assez fantastique. Et puis une Lily qui est née juste après l'été, là, et du coup ça m'a inspiré cette chanson. Alors pourquoi pas une intervention des trois Lily. Et puis, enfin ouais, il y a plein de possibles, ouais. Je serais ravi que, bien sûr, et très honoré que, parce que j'adore Lily, j'adore Cyril, de ce groupe Yatché incroyable, et ça serait encore un honneur d'avoir leur intervention, leur participation, puisque ouais, Cyril, donc j'ai enregistré chez lui, mais aussi il est venu poser des percussions sur plusieurs de mes chansons, et à chaque fois c'est vraiment un honneur, quoi. Donc voilà. Ok, donc maintenant on va écouter Nous sommes tous des étoiles et Oser, que j'ai choisi pour la radio ce matin. Est-ce que tu veux nous en toucher un mot avant qu'on se quitte? Eh ben, c'est marrant, c'est normalement à l'autre canal, puisqu'on est 20 artistes, c'est environ deux chansons par artiste, et il y a de fortes chances que ça soit les deux chansons que je joue à l'autre canal, puisque sur la compile 3, c'est la chanson Nous sommes tous des étoiles qui a été retenue. Okay. Donc ça, c'est un hommage à mon père, mais aussi de nombreuses personnes, je ne vais pas tous les citer, qui sont là-haut. Et moi, j'ai ce sentiment, j'ai cette croyance qu'un jour, on se retrouvera d'une manière ou d'une autre. Et puis, de toute façon, on peut se retrouver... On peut se retrouver un peu tous les jours déjà juste par la pensée. Donc il y a cette connexion de tous les jours qui est là, si on l'accepte. Ben voilà, la connexion est faite. Et puis il y a oser, c'est tout simplement ce que je nous souhaite à tous, à toutes et à tous, d'oser croire en nos rêves. Mais je tiens à préciser, toujours dans le respect et la liberté des autres. Donc voilà, oser, osons. Et puis à bientôt, du coup. Et bien, à bientôt, on te remercie chaleureusement. Ouais, merci, une belle journée. Ouais, bonne journée à vous. Merci. Ciao. Nous semble parfois bien cruelle quand elle emporte avec elle des êtres chers que l'on aime. Ça nous dépasse, on ne comprend pas au pourquoi lui, pourquoi elle. Ça nous terrasse, nous brûle les ailes. Mais si tu fermes les yeux, tu verras. Et tout au fond de toi, tu sentiras que nous sommes tous des étoiles qui partiront un jour ou peut-être une nuit. Avec du vent dans nos voiles, sans faire de longs discours, on s'envolera loin d'ici. Nous sommes tous des étoiles qui retrouveront un jour ce qui manque à nos vies. Avec du vent dans nos voiles, sans faire de longs discours, on se retrouvera loin d'ici. Du temps pour ressentir et puis ressentir pour comprendre qu'ils sont tous là dans nos sourires et dans nos larmes pour nous apprendre que leur absence nous fait grandir, mais qu'il ne faut pas les attendre, qu'ici maintenant il faut bien vivre, qu'on a de l'amour à répandre. Et si tu fermes les yeux, tu verras. Et tout au fond de toi, tu sentiras que nous sommes tous des étoiles qui partiront un jour peut-être. Une nuit avec du vent dans nos voiles, sans faire de longs discours, on s'envolera loin d'ici. Nous sommes tous des étoiles qui retrouveront un jour ce qui manque à nos vies. Avec du vent dans nos voiles, sans faire de longs discours, on se retrouvera loin d'ici. Nous sommes tous des étoiles qui retrouveront un jour ce qui manque à nos vies. Avec du vent dans nos voiles, sans faire de longs discours, on se retrouvera loin d'ici. Vous êtes en direct sur Radio Gémozo dans l'émission intitulée Les Oreilles du Monde proposée par les Mondes de l'Utopie. Aujourd'hui, on vous parle de la fête de la musique qui se déroulera le 23 juin à partir de 18h à Rochesson, au centre du village en plein air. Vous pourrez retrouver Greg Voinis, Duo Miral et L'Appel de la Forêt. Nous venons d'écouter un extrait de Greg Voinis et nous en écoutions un deuxième. Des perles, des bonnes claques dans la gueule, des bonnes gamelles. Et au final on s'est relevé, on a continué d'avancer, d'oser, oser. On grandit de plus belle dans les épreuves, si tu te sens seul, va faire un tour, regarde le ciel. Il y aura toujours, même bien caché, une belle âme pour t'écouter, oser, oser. Ne se plante pas, ne pousse jamais. N'ayez pas peur de vous planter, la vie c'est fait pour essayer. Allez, osez, osez. N'ayez pas peur de vous planter, arrose tes rêves, ça va pousser. Osez, osez. Allez, osez, osez, osez, osez, allez, osez. Allez, osez, osez, osez, osez, allez, osez. Allez, osez, osez, osez, osez, allez, osez. Allez, osez, osez, osez, osez, allez, osez. Thank you. soyez présent et quittez votre armure. Vivez sans passé, sans futur. La vie c'est maintenant, ça c'est sûr. Osez, osez. Osez, envolez-vous et troquez la vie à pleines dents. Et surtout aimez-vous, aimez-vous. Aimez-vous sans vous enfermer dans le respect, la liberté. Osez, osez. Qui ne se plante pas ne pousse jamais. N'ayez pas peur de vous planter, la vie c'est fait pour essayer. Allez, osez, osez. N'ayez pas peur de vous planter, arrose tes rêves, ça va pousser. Osez, osez. Allez, osez, osez. Osez, osez, allez, osez. Allez, osez, osez. Osez, osez, allez, osez. Allez, osez, osez. Osez, osez, allez, osez. Allez, osez, osez. Osez, osez, allez, osez. Nous sommes en direct de Radio Gémozo dans l'émission intitulée Les Oreilles du Monde, proposée par les Mondes l'Utopie. Bonjour et bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent. Nous vous parlons aujourd'hui de la fête de la musique qui se déroulera le 23 juin à partir de 18h en plein air à Rochesson. Donc c'est sous forme de petite interview des artistes qui passeront le 23 juin et nous rejoignons en direct Climène du groupe Duo Miral. Bonjour. Salut Climène, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Super. Bienvenue avec nous sur Radio Gémozo. Merci. Donc nous sommes heureux, les Mondes l'Utopie sont heureux de vous t'accueillir en compagnie de Baptiste le 23 juin pour la fête de la musique. Vous allez nous présenter un duo Miral. Qui vous venez de Paris et d'ailleurs, donc tu vas nous parler un peu de votre duo. Oui, alors le duo Miral en fait c'est un peu du jazz éponge. En fait on a commencé à travailler sur des morceaux de trad et puis à faire un peu de jazz ensemble avec Baptiste et puis après on a commencé à se dire bah tiens on va essayer de mélanger les deux. Et du coup, on a commencé à faire des arrangements sur des musiques qui nous plaisent en fait. Et donc voilà, donc avec des arrangements dans rythmique ou avec des accords, avec des choses comme ça. Voilà. D'accord. En gros, c'est un peu ça. Et donc on ne joue pas encore toutes les musiques du monde, mais on a maintenant commencé à jouer pas mal de musiques de pas mal de pays. Donc voilà. En gros, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Tu peux nous apporter quelques précisions sur qu'est-ce que le jazz éponge? Eh ben, le jazz éponge, c'est ça en fait. C'est comment on arrive à tirer en fait vers ce style de musique d'autres styles de musique. Par exemple là, avec la musique traditionnelle. Donc le jazz éponge, c'est vraiment essayer de fusionner les deux, plein de styles de musique, et là, entre autres, c'est le jazz et la musique trad. Voilà. D'accord, super. Donc, vous chantez en arabe, en créole, en français? Oui. D'où est-ce que ça vient? Alors, l'arabe et le français, c'est que je suis franco-syrienne, et le créole, c'est parce que j'ai fait partie d'un groupe de Maloya, qui est la musique traditionnelle de l'île de La Réunion. Et donc je suis allée à La Réunion et j'ai décidé de, de prendre un peu de ce que j'ai appris et de le mettre dans le duo, quoi, et de bosser avec le duo, parce que c'est une musique magnifique, et voilà, qu'on avait envie de travailler ça. Voilà. Super, moi aussi je connais très bien La Réunion et le créole et Maloya. Du coup, c'était un bel échange. Et donc, ça va être super cette fête de la musique le 23 juin. Ben oui, on a vraiment hâte. On est très contents. Est-ce que vous avez des influences particulières au-delà du Maloya et de La Réunion ? Non, bah, on a beaucoup de morceaux en arabe, justement, parce que pourquoi? Moi, parce que du coup je suis syrienne, tu vois, et du coup c'est un truc qui vient de mon histoire, et du coup j'ai écouté ça toute ma vie, et c'est comme ça aussi qu'on a commencé à se dire on va bosser ça, parce que j'ai commencé à chanter en arabe, il m'a dit mais c'est super, tiens, c'est hyper joli ce que tu me chantes, donc on va bosser ça, et puis on a commencé comme ça. Donc il y a beaucoup de musique en arabe, il y a quelques chansons en créole. Et après on a un peu élargi les horizons. Donc voilà, en gros. Super. Et Baptiste, qui est un grand guitariste jazz, vous avez un sacré parcours musical. Toi, tu as étudié à Damas en Syrie, aussi à Lyon. Baptiste aussi à Lyon. Et vous vous êtes rencontrés à Lyon ? Oui, on s'est rencontrés à Lyon. On s'est rencontrés à Lyon dans une soirée manouche. Voilà. Ok, lors d'un bœuf musical alors. Exactement. Lui, Baptiste vient beaucoup, enfin, il a fait beaucoup de manouches, maintenant un peu moins, mais il a fait beaucoup de manouches, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, manouche. D'accord. Et quel instrument joues-tu ? Alors moi, là-bas, je suis pianiste, et en chantant, je me suis mise à faire des percussions. Donc voilà, donc je fais des percussions. Et je chante, en gros. Voilà. Ok, super. Voilà. Donc, on va écouter des morceaux, deux morceaux qui ont été enregistrés au Festival Coïncidence. Oui. Puisque vous n'avez pas créé d'album jusqu'à maintenant. Non, on n'a pas, on n'a pas encore d'album. Peut-être cet été. Et je pense qu'il sortira. Enfin, on va l'enregistrer cet été. Si c'est prévu bien, alors. Si tout se passe bien. C'est prévu si tout se passe bien. Mais oui, voilà. On a bien envie de faire un album. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à trouver le temps entre tous vos projets ? Puisque je rappelle que tu fais partie d'un autre projet avec 7 autres musiciens qui s'appelle Zarab et qui est en train de grandir. Ouais. Oui. Écoute, on trouve toujours le temps pour le duo, parce que c'est un peu le groupe qui c'est un groupe qui nous tient très à cœur, et puis c'est avec ça qu'on a monté aussi Salab, c'est avec ce duo qu'on a eu l'idée de Salab. Donc oui, on trouve toujours le temps de faire des choses, quoi. Mais généralement on se donne pas des jours de boulot ni rien. Si un jour il y en a un qui a écouté quelque chose qu'il a envie de faire ou quelque chose qu'il a envie de jouer, on en parle, et dans ce cas-là on joue, mais c'est toujours très très spontané, quoi. Il n'y a pas vraiment de répétition de fixé ni quoi que ce soit. Voilà. On travaille un peu bizarrement, mais voilà, c'est notre manière de fonctionner, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que c'est plus facile de tourner avec le duo qu'un groupe plus une grosse formation ? Oui, beaucoup plus facile, c'est sûr. Parce que c'est un peu bête, mais déjà pour les gens qui nous invitent, ou les gens qui ont envie de nous voir, le duo c'est beaucoup plus simple. C'est pas ce que je vais dire, mais financièrement déjà c'est plus simple. Donc pour nous aussi c'est plus facile de trouver des petites dates à droite à gauche. Et puis à 6, c'est compliqué aussi de s'organiser, puisqu'il y a toujours une date qui ne convient pas à quelqu'un, ou qui, tu vois. Donc voilà. Donc c'est toujours un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Voilà. Du coup, là, le 23 juin, ça sera le début de la tournée d'été ? Ou ça va être plutôt la fin. C'est la semaine prochaine, en fait, on a 5 concerts. D'accord. Et on termine au Monde d'Utopie. Enfin, chez vous. Non, ça, c'est le nom de la chose. Et voilà. Et après, il nous restera une date le 1er juillet, il me semble. Voilà. À Paris. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu veux nous toucher un mot sur les deux morceaux qu'on va écouter, Anat et Monsieur Jaco? Alors, Sega Jaco, c'est un vieux Sega de Luc Donat, Réunionnais. Oui. Et voilà, donc ça je l'ai appris avec mon groupe de Maloya. Et Anat, c'est à partir d'un poème de Mahmoud Darwish, un poète palestinien, et qui fait partie de son recueil de poèmes murales que j'invite tout le monde à lire parce que c'est vraiment magnifique. Et en fait, c'est mon père qui a mis cette musique ce poème en chanson, voilà, en musique quoi. Donc voilà, donc on lui a en quelque sorte piqué cette chanson parce que bien sûr avec son accord, mais voilà, et on l'a réarrangé parce que lui il la joue trad, voilà. D'accord, tes parents sont musiciens, tu descends d'une famille de musiciens. Mon père est musicien, oui. Pas ma mère, mais mon père, oui. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, on te remercie chaleureusement pour cette courte interview. Merci à vous. Merci à vous. On a hâte de te voir à Rochesson le 23 juin. Bah oui, avec ton duo Miral. Ouais. Et on écoute tout de suite un extrait de vos chansons. Merci. Amasti alai yamin wa vimod lafaneinu oshimunach gad lefanai ani ele Shaukala melachot Tfilotai una machnina Shoa shabai liletifet ודמותך עננה סביב גופי יחלו בואי אלי זה מסמאי השירי לוח כתפי על כנפי דמיוני تكون إلا لنبي. والله لقد سمعت في الأسحار عن جارية تطق بالأوتار. والله لقد سمعت من منطقها من عذب عاشقان رمي بالنار من عذب عاشقان رمي بالنار. Nous sommes en direct de la radio Gemozo. Nous sommes dans l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par les Monts de l'Utopie. Aujourd'hui, nous vous parlons de la fête de la musique qui a lieu le 23 juin en plein air à Rochesson. Et vous venez d'entendre un extrait du duo Miral qui est programmé à la fête de la musique. On va écouter un deuxième extrait musical du duo. Ce matin, mes réveils au milieu de l'océan Indien et encore moins l'été dans le joli pays des oreilles. Pourtant, n'a point miracle. Ici, moi, elle est vraiment très bien. Moi, l'intro, mon rougail, la morue, chérie, qu'elle. Lui, l'a pas changé, elle est toujours pareille pour raconter des histoires créoles. Quand l'écosse trop vite, lululu, bégaye, à cause ça, même il est drôle. Mais fais attention, ennuie pas lui trop, il a point le temps de discuter. Quand l'écosse, il lui cause pas dans son dos, on va court qu'elle souriait. Monsieur Jaco, qui veut dire qu'il connaît un ou n'a point de bouger s'il est plus gentil coup. Sur la plage Joffre, nous l'a grandi à côté. Ça même lui fait nous de l'amitié. Lui l'a pas changé, il est toujours pareil pour raconter d'histoires créoles. Quand les causes trop vite, lululu, bégaye à cause ça même il est drôle. Mais fais attention, ennuie pas lui trop, ni la fin le temps de discuter. Quand les causes, il ne cause pas dans son dos, on va court qu'elle sourire. Le temps il change, pour moi il reste toujours même. Faut être un cégat, où est-ce qu'il s'y passe qu'on y aime. Ça qui remue, surtout dans le style Maloya. Les meilleurs que n'importe quel rumbard. Oh, L'île a pas changé, elle est toujours pareille pour raconter histoire créole. Quand les costromites, lulu, bégaye, à cause ça, même il est drôle. Mais fais attention, ennuie pas les trolls et la pointe en discuter. Quand les costilus causent pas dans son dos, on va court qu'elle sourayait. L'île a pas changé, elle est toujours pareille pour raconter histoire créole. Quand les costromites, lulu, bégaye, à cause ça, même il est drôle. Mais fais attention, ennuie pas les trolls et la pointe en discuter. Quand les costilus causent pas dans son dos, on va court qu'elle sourayait. Vous êtes en direct sur Radio Gémozo dans l'émission intitulée Les oreilles du monde proposée par les Monts de l'Utopie. Aujourd'hui, on vous parle de la fête de la musique qui se déroulera le 23 juin à partir de 18h en plein air à Rochesson. Nous avons eu l'occasion de découvrir Greg Voinis, Duo Miral, et maintenant nous allons vous parler de l'Appel de la forêt. Nous nous retrouvons tout de suite en direct avec Flo de l'Appel. Je suis désolé, ça répond pas. Ah, dommage. On ne se retrouve pas avec Flo de l'Appel de la forêt. On peut s'écouter un morceau si t'as un... Nous allons écouter un morceau de Flo de l'Appel de la forêt. Alors je te propose Digadub, le sanglot des arbres, Nago. Le sanglot des arbres. Ok. Oh. Vous êtes en direct sur Radio Gémozo, dans l'émission intitulée Les Oreilles du Monde, proposée par les Mondes de l'Utopie. Aujourd'hui, on vous parle de la fête de la musique qui se déroule le 23 juin à Rochesson à partir de 18h. Vous aurez l'occasion de découvrir plusieurs groupes, Greg Voinis, Duo Miral et L'Appel de la Forêt. Suite à un petit souci technique, je vais vous présenter L'Appel de la Forêt puisque nous n'arrivons pas à les joindre. Donc L'Appel de la Forêt, c'est un duo, guimbarde, didgeridoo, beatbox. Et c'est un peu un mélange entre la ville et la nature. Ils ont essayé de rassembler les deux pour faire une musique pleine de pulse, de souffle. Donc venez découvrir L'Appel de la Forêt à Rochesson le 23 juin. Nous allons écouter un bref morceau de L'Appel de la Forêt. En direct sur Radio Gémozo, dans l'émission intitulée Les Oreilles du Monde, proposée par les Mondes de l'Utopie. Donc voilà, nous vous avons fait découvrir les trois groupes qui seront présents à la fête de la musique le 23 juin. Nous les remercions chaleureusement pour leur échange en direct sur la radio. Nous remercions la Radio Gémozo de nous accueillir. Nous remercions tous nos bénévoles et adhérents de l'association qui permettent la mise en œuvre de nos événements. La mairie de Rochesson qui nous soutient dans cette belle aventure qui est les Mondes de l'Utopie. Donc voilà, nous arrêtons là pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour une émission autour des musiques du monde. Merci à tous et à bientôt.